William Camberwell par Alfred des Essarts. Chapitre 1er. Dans une élégante salle à manger d'un petit hôtel de Soho Square, à Londres, deux jeunes filles de 16 à 17 ans causaient avec gaieté, tout en jetant parfois un regard d'impatience à travers les vitres d'une fenêtre qui donnait sur le square. La plus âgée portait des cheveux poudrés et frisés avec soin. Son œil bleu annonçait de la finesse et de l'esprit. Une ample robe, de gros de soie aux reflets changeants, faisait ressortir la délicatesse de sa taille. L'autre, petite et brune, avait dans la physionomie quelque chose de fier. Sa toilette était peut-être encore plus recherchée que celle de sa sœur. Une dentelle précieuse serpentait à plis pressés autour de sa poitrine, et sous ce tissu transparent brillaient les trois rangées d'un collier de perles. Cette jeune miss s'écria tout à coup, avec une nuance marquée de mécontentement, « Que dites-vous, Helena, de l'amabilité de notre frère ? Il est certain, ma chère Eva, que George devra déjà être ici, car il n'ignore pas que par sa faute, nous arrivons trop tard au Vauxhall, où nous devons aller en famille. » Au bout de quelques minutes, un grand bruit se fit entendre dans l'escalier. Un jeune homme de 20 ans, vêtu avec élégance et tenant une cravache à la main, entra en faisant à ses sœurs les plus vives démonstrations d'amitié dans un langage qui n'avait absolument rien de naturel. « Eh, mesdemoiselles, me pardonnerez-vous d'avoir manqué d'exactitude? J'en suis au désespoir. À propos, vous me voyez enchantée. »« Comment accordez-vous cela ensemble ?» dit Helena d'un ton légèrement piqué. « Eh, mais on se fâche, j'imagine, quand j'ai tant couru pour ces ingrates. » « Helena, voici l'éventail que vous avez admiré hier chez ce marchand français de Holborn. Eva, voulez-vous accepter ce joli bouquet qui vous donnera l'air d'une flore ? Vous ne savez pas. Je viens d'acheter, pour rien, un cheval magnifique à Lord Greenbury. » En ce moment, la porte s'ouvrit et un jeune garçon de 10 ans parut. Il fut accueilli par des sourires moqueurs. Sans être laid ni disgracieux, William n'avait rien de cette mondanité dans laquelle son frère et ses sœurs faisaient consister le mérite suprême. En jugé même par son habit de ratine, ses bras de coton chinés de bleu et ses gros souliers, on le prit pour le fils de quelque humble marchand de la cité, plutôt que pour celui du riche commerçant Camberwell, qui parmi ses ennemis eux-mêmes avait la réputation d'être millionnaire. William laissa passer sans en paraître ému la bordée d'épigrammes auxquelles il était accoutumé. Il se contenta de saluer ses aînés avec modestie et de demander si leur père n'avait point encore paru. Avant qu'on eût daigné répondre à l'enfant, M. Camberwell lui-même entra et aussitôt on se mit à table pour prendre le thé. Le négociant paraissait grave et préoccupé. Il adressa plusieurs fois de suite les mêmes questions à ses filles et donna à la conversation un cours si irrégulier qu'Helena, Eva et George échangèrent maints regards d'intelligence. Cependant, M. Camberwell sortit enfin de sa rêverie. Les nuages qui couvraient son front s'éclaircirent entièrement. Il complimenta ses filles sur leur parure, gronda George, avec une aimable indulgence, sur ses goûts dissipés, et alla jusqu'à dire une parole d'amitié à William. Celui-ci, modestement, assis au bout de la table, tressaillit de joie et de larmes brillèrent dans ses yeux. « Oh, mon cher papa, s'écria-t-il, vous me donnez du courage pour vous demander une bien grande faveur. Qu'est-ce donc, maître William ? Je voudrais... Mais vous ne m'accorderez pas cela. Parlez, parlez toujours. Je voudrais aller aussi au Vauxhall. » Un rire général suivit cette demande. Les épigrammes des jeunes gens recommencèrent à pleuvoir sur la tournure villageoise et les manières gauches de William. « Oh ! S'écria George. « Je sais pourquoi il désire tant nous accompagner au concert. William est presque un virtuose. Son violon a le don de m'endormir chaque soir. À le voir se dresser sur la pointe des pieds pour lire sa musique au pupitre, on croirait qu'il a la prétention de devenir un artiste. Ce serait déjà un fort agréable musicien ambulant. » L'enfant, attaqué ainsi dans son goût, ou plutôt dans sa passion, rougit et baissa la tête. M. Camberwell intervint alors en disant que William avait bien le droit d'aller au Vauxhall, que son penchant pour l'étude du violon était excusable, et qu'après tout, l'on ne pouvait attendre une grande habileté d'un musicien de 10 ans. Il fut convenu qu'on emmènerait William, et bientôt M. Camberwell et sa famille furent entraînés vers le Vauxhall par un rapide carrosse. La soirée s'écoula au milieu d'une série d'enchantements. George et ses sœurs étaient tout occupés de la magnifique décoration de la salle, qu'on venait de repeindre entièrement, et de l'illumination éblouissante des jardins. Le plaisir qu'ils éprouvaient à faire admirer le bon goût de leur toilette était pour eux bien au-dessus du charme de la musique. Quant à William, son air d'extase, sa bouche ouverte, ses yeux fixes, offraient à tous ses voisins un véritable sujet d'amusement. Jamais le pauvre enfant ne s'était trouvé à pareille fête, et son admiration redoubla, s'il était possible, lorsqu'un Italien, de passage à Londres, vint sur une estrade jouer un solo de violon. William suivait une à une toutes les inflexions de l'archet. Il retenait sa respiration comme pour ne perdre aucune des délicates fioritures dont il semblait chercher le secret. Il n'entendait point George le railler impitoyablement sur son enthousiasme et dire « Qui sait, maître William, peut-être aurez-vous un jour l'honneur de jouer une sonate sur les planches du Vauxhall pour amuser les badauds de Londres ?»« Laissez-le !» répondit M. Camberwell d'un ton grave. « Laissez-le s'abandonner à ses naïves impressions. Heureux celui qui peut se détacher un instant des réalités de la vie. « Bon Dieu, mon père, qu'avez-vous donc ? À vous entendre parler ainsi, on croirait que vous éprouvez quelque peine secrète. Ce n'est rien, George. Peut-être aurai-je plus tard une confidence à vous faire. » Ces paroles, prononcées à voix basse, n'avaient pu être entendues par Helena et Eva, tout entières à la contemplation de la fête. Mais elles l'avaient été par William, qui, sans paraître se douter de rien, attacha sur son père un regard à la fois tendre et pénétrant. Il aimait tant son père. Quoique M. Camberwell s'occupât rarement de lui, c'était encore son meilleur ami, et une parole affectueuse suffisait pour donner l'enfant du bonheur pendant 15 jours. Au moment de la sortie du Vauxhall, et tandis que la famille de M. Camberwell attendait sa voiture sous le portique, dont les avenues étaient encombrées de carrosses et de chaises à porteurs, un des plus riches négociants de la cité vint à passer et, apercevant M. Camberwell, lui dit sèchement « Vous n'êtes pas venu hier au rendez-vous que je vous avais indiqué. Je vous prie de vous trouver demain matin chez vous, à 11 heures. » Il se perdit dans la foule sans même attendre une réponse. En montant en voiture, les jeunes gens remarquèrent à la lueur de la torche tenue par le piqueur que leur père avait le visage pâle et l'air profondément ému. À peine la portière fut-elle fermée que George, ayant pris soin de relever toutes les glaces pour n'être pas entendu, s'écria « Mon père, vous nous avez sans doute caché un secret. J'avoue que jusqu'à présent j'étais absorbé par mes plaisirs et suis resté presque indifférent à vos affaires. Mais je crois mériter votre confiance. Veuillez nous ouvrir votre cœur. » Helena et Eva joignirent leurs sollicitations à celles de George. M. Camberwell se fit longtemps presser, avant de trouver la force de commencer sa pénible confidence. Enfin, il dit « Apprêtez-vous donc à recevoir le coup le plus rude. De faux calculs, des spéculations hasardées, et même votre malheureux amour du luxe, favorisé par ma faiblesse, tout cela m'a perdu, et vous perd avec moi. Je suis ruiné. Cet homme que vous venez de voir est mon principal créancier. Mon sort dépend de lui. » M. Camberwell parlait encore lorsqu'un cri se fit entendre dans la voiture. Helena s'était évanouie. Heureusement, on était déjà dans Soho Square. La jeune fille fut transportée sans connaissance dans sa chambre, où les soins empressés de sa sœur et de sa gouvernante la rappelèrent à la vie désormais si triste pour elle.